le 6-7 sur France Inter. Magic Elvis, Elvis Presley, dernier épisode ce matin de la série de Philippe Robin de la radio-télévision suisse avec une parole de fan. C'est vrai que Elvis a souvent changé nos vies, nous les fans d'Elvis Presley. Un exemple, Djoubaka, il est programmateur musical à France Inter, il raconte son Elvis. La télévision venait de rentrer chez moi. Alors le soir, on avait pris l'habitude de regarder les infos. Nous étions le 17 août 1977. Mon père avait l'air d'attendre un truc, je me souviens juste, qu'il avait dit en rentrant du travail qu'Elvis Presley était mort. Elvis, franchement, no conosco. Je voyais pas du tout de quoi, de qui il voulait parler. Et puis enfin, le présentateur annonce son sujet. Et je vois en fin de journal Elvis pour la première fois. Il chantait... Hound Dog. Aux États-Unis, des centaines et des centaines d'Américains ont téléphoné à la Maison-Blanche pour demander au président Carter une journée de deuil national à l'occasion de la mort d'Elvis Presley, décédé hier soir donc à l'hôpital de Memphis, dans le Tennessee. You ain't nothing but a hound dog. Il s'est passé ce soir-là quelque chose d'étonnant. En quelques secondes, je suis devenu complètement fou d'un chanteur jusqu'alors inconnu de mon cerveau. Je me souviens très bien avoir demandé à mon père, le soir, de me passer tout ce qu'il avait comme disque d'Elvis à la maison. Je regardais les pochettes en ayant l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui me ressemblait. Je me souviens très bien, à chaque fois qu'une nouvelle chanson passait, avoir eu pour sentiment constant que cette voix, cette musique, était faite pour moi. Et c'est une évidence qui allait perdurer. J'habitais en banlieue et autour du 15 août, franchement, le seul magasin qui vendait des disques, mais aussi des télés, des radios, était fermé. Je m'étais réveillé avec l'envie définitive d'avoir un disque de ce gars-là, un disque à moi. Alors j'ai ramassé toutes les pièces jaunes qui étaient censées être une réserve d'argent et je suis parti à la chasse. À cette époque, il y avait toujours au marché un vendeur de disques entre les fruits et les légumes. Et la première chose que j'ai vue, c'était ce disque avec un dessin d'Elvis dessus, une compilation de ses plus grands succès. J'ai vidé ma poche en me demandant si j'allais avoir assez d'argent. Le gars a tout pris et je suis reparti avec le disque. Je l'ai tellement écouté qu'il est impossible aujourd'hui d'entendre une chanson qui ne soit pas rayée à trois ou quatre endroits. À partir de ce jour-là, j'ai su intimement que la musique allait me coller au basque comme un bout de sparadrap sur la main du capitaine Haddock. Ensuite, j'ai fait tout ce que fan d'Elvis a fait dans sa vie, collectionner des disques, traîner dans les fan clubs. J'ai bouffé de l'Elvis depuis 40 ans et j'ai mes préférences, hein, la période Sun, le comeback de 68. Et j'ai été nourri. Le business autour d'Elvis peut avoir quelque chose de déroutant. Hein, entre les sosies, les rumeurs, les objets d'un kitsch absolu, les concerts virtuels. Mais ce qu'il y a d'incroyable en fait, c'est le nombre d'inédits, de bootlegs, de bandes retrouvées dans les archives de sa maison de disques. Au début des années 90, afin de contrecarrer le marché des disques pirates du King... Un Danois, Ernst Jorgensen, que l'on surnomme entre nous, entre fans, The Elvis Hunter, le chasseur d'Elvis, va se donner pour mission de récupérer dans les archives de la maison de disques RCA toutes les bandes où Elvis a posé sa voix. Ce travail de fourmi a permis de retrouver des versions alternatives, des inédits, des enregistrements de répétition, des coulisses avant un show télé, des chansons rejetées pour des bandes originales de films, comme ce titre... I never stand in your way, où on entend un Elvis plein de tracks et dont le patron du label Sun, Sam Phillips, notera sur la boîte qui a conservé cet enregistrement, on lit ce qu'il y a sur la boîte, Elvis a une bonne voix comme chanteur de ballade, à revoir, point. À partir de 1999, nous allons découvrir plus de disques d'Elvis que mon porte-monnaie pourra en acheter. Plus de 200 disques ont vu le jour. Et ce qui frappe, c'est son spectre de voix, la façon dont il embrasse le micro, sa capacité à passer d'un rockabilly primaire à un classique de répertoire crooner. Une de mes chansons préférées d'Elvis est cette reprise du grand Arthur Crudup. That's alright, mama. Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do, that's alright. That's alright. That's alright, mama. Any way you do. she done told me, Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good for you. But that's all right, that's all right, that's all right now, mama. Voilà, et le rock'n'roll est toujours là en 2017, 40 ans après la mort d'Elvis Presley. Nous avons rediffusé cette série formidable, Un chapeau, de Philippe Robin, réalisé en 2007. C'est Benjamin Riquet qui a remixé tout cela.